Voilà, je voudrais déjà remercier Laurent Jalabert et Vianney Muller d'avoir accepté la proposition que je leur ai faite. Et dans ces remerciements, je n'oublie pas Mme Paccari et Mme Weber pour la réalisation des résumés. Alors, comme vient de le dire M. Muller, c'est un sujet très inattendu. C'est un sujet auquel je pense depuis plus de 50 ans, ou pas tout à fait, mais je m'intéresse aux navires de guerre depuis plus de 50 ans. Et donc, c'est un travail neuf parce que jamais personne ne s'est intéressé jusqu'à présent, à ma connaissance, à ce type de réflexion dans aucune province de France, si bien qu'on ne peut faire aucune comparaison, sinon des comparaisons qualitatives. Et vous verrez que je pourrai conclure très positivement sur les questions qui sont posées pour cette journée. Quelle représentation et qu'en est-il par rapport aux autres provinces ? Alors, il faut que je vous dise dans un premier temps quelques mots sur ce qu'est le nom d'un navire de guerre, parce que si on ne dit pas ça, il est difficile de comprendre quelles peuvent être les motivations au niveau de l'État. Donc, presque tous les navires de guerre possèdent un nom, seules quelques toutes petites unités, puisque c'est le mot normal, unité, sauf quelques toutes petites unités portuaires, qu'on appelle bâtiment de servitude, n'en portent pas et n'ont qu'un numéro de l'OTAN qui commence par Y. Il est évident, deuxièmement, que plus le navire est important, plus le nom a d'importance, parce que les mots qui ont été prononcés par Laurent tout à l'heure prennent beaucoup de résonance avec mon intervention. Et il est évident, comme Laurent l'a dit, qu'il y a une utilisation politique et nationale du nom d'un navire de guerre, parce que le navire de guerre est une ambassade mobile, que quand il fait escale dans un pays étranger, ça peut être une escale à caractère privé, mais c'est souvent une escale à caractère officiel, où le commandant est reçu en grand uniforme, décoration pendante et sabre au côté par les autorités locales, qui lui rendent leur visite sur le navire. Et quand on est sur un navire de la marine nationale à l'étranger, on est en France, et ceci n'est pas négligeable. Le choix, bien évidemment, je viens de le dire, d'un navire qui est important, est un choix très important de ce point de vue-là, même d'ailleurs pour une petite unité, mais les petites unités n'ont pas, bien sûr, le même type de navigation. Ce choix s'effectue au plus haut niveau de l'état-major de la marine, par une commission qui s'intéresse à ce sujet, et le choix est donné par une décision ministérielle. Et pour vous donner un exemple qui nous touche aujourd'hui, le ministre de la Défense a dit il y a quelques jours que les deux dernières unités de la série des frégates multimissions, dont je vais dire un mot tout à l'heure, s'appelleraient Alsace et Lorraine. On en parlait depuis plusieurs années, mais tant que le ministre n'a pas donné son choix, c'est un choix qui peut être récusé s'il a envie d'autre chose. Pour vous donner un autre exemple, le porte-avions Charles de Gaulle n'était pas du tout destiné à s'appeler Charles de Gaulle, il était destiné à s'appeler Richelieu, qui est considéré comme le créateur de la marine nationale. Et c'est ensuite des choix politiques au plus haut niveau de l'État, après la mort du général de Gaulle, qu'on a changé ce nom de Richelieu pour donner Charles de Gaulle. Et la gauche arrivant au pouvoir en 1981 n'a pas cru pouvoir changer ce nom. Donc vous voyez l'importance de ce type de décision. Depuis quand est-ce que les dénominations des navires de la marine nationale ont-elles un intérêt ? Cet intérêt, comme vous le voyez, est un intérêt, comme l'a dit Laurent tout à l'heure, à caractère politique. C'est un intérêt qui date beaucoup de la Troisième République et donc du dernier tiers, si l'on peut dire, du XIXe siècle. Auparavant, la notion de série, la notion de choix politique était complètement différente sous la royauté et même au début du XIXe siècle. Donc l'intérêt d'étudier cela, je disais tout à l'heure qu'il ne s'est pas fait, mais il faudrait qu'un vrai historien, parce que moi je ne suis qu'un pseudo-historien, il faudrait qu'un vrai historien s'intéresse à ce sujet. Alors les choix dépendent, je vous remercie beaucoup. Les choix dépendent, donc je l'ai dit, de l'importance du navire, mais aussi de la notion de série. Il est évident qu'un grand croiseur, ça n'existe plus aujourd'hui, on appelle ça frégate, mais il est évident qu'un grand croiseur ou un porte-avions ou un sous-marin nucléaire lance-engin, c'est bien sûr très différent d'une série de 30 ou 40 dragueurs de mines ou d'une série de 20 escorteurs rapides ou escorteurs d'escadre comme on a eu dans la période OTAN, c'est-à-dire avant 1966. Quel type de nom? Et puis j'en aurai fini avec ces considérations générales. Quel type de nom? Eh bien, bien évidemment, il y a tout un ensemble de noms de marins, tout un ensemble de batailles navales, mais aussi des grands personnages de l'État et aussi des grands soldats. Des grands personnages de l'État, par exemple Clémenceau, des grands soldats, par exemple Foch. Bon, Charles de Gaulle, c'est à la fois l'un et l'autre. Mais il y a aussi, et ça va nous rapprocher donc du thème d'aujourd'hui, des noms des provinces, des noms des régions, c'est pas tout à fait forcément la même chose, des noms des villes, et puis il y a aussi d'autres noms qui sont donnés, lorsque, en particulier lorsqu'on a des séries, comme vous voyez, des noms de rivières et des noms de fleuves, on ne les donne pas n'importe comment à n'importe quelle série de bateaux, des noms de plantes et d'animaux, en général c'est quand les séries sont importantes, comme les dragueurs de mines. La mythologie est très souvent sollicitée, en particulier pour les sous-marins. Et puis, j'aurais pu dire encore autre chose, par exemple, les noms des étoiles sont très utilisés quand on a une grande série, comme ce fut le cas, par exemple, pour les dragueurs de mines après la Deuxième Guerre mondiale. Alors, arrivons-en à la Lorraine et aux questions qui sont posées par cette journée. Est-ce que la Lorraine, notre province, et aujourd'hui, bien évidemment, ce sont nos quatre départements lorrains, hein, bien évidemment, qui sont utilisés pour les noms. On ne parlera pas de la grande province du Grand Est, puisque pour le moment, ça n'existe pas sur les navires de la Marine nationale, puisque c'est trop tôt. Donc, est-ce que la Lorraine est souvent citée, soit directement sous le mot de Lorraine ou sous le mot de Lorrain? Et puis, est-ce qu'elle est citée au travers de ses personnalités, ce qui est déjà moins évident, mais qui peut être tout aussi important? Et puis, qu'en est-il par rapport à ses homologues? Et je répondrai donc à la fin, mais vous avez vu que je l'ai déjà dit. Donc, le mot « Lorraine » ne peut s'adresser qu'à un bâtiment important. Mais à la suite de la Deuxième Guerre mondiale, ça a été moins vrai. Le navire le plus important qui existait, c'est le navire de ligne, parce qu'autrefois, les batailles navales se faisaient sur des bateaux qui étaient en ligne de file, c'est-à-dire les uns derrière les autres, et l'astuce consistait à barrer le T, c'est-à-dire à venir perpendiculairement à la ligne des navires pour pouvoir les bombarder mieux, étant donné que les navires avaient des canons sur le côté, mais par contre très peu de canons à l'avant. Donc quand on passait par le travers, on pouvait utiliser tous les canons du bord, alors que celui qui était en face, il pouvait utiliser que 2 ou 4 canons, et par conséquent, c'était moins performant sur le plan militaire. Donc, c'est devenu les cuirassés jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Donc, nous avons eu récemment un navire de ligne, je vais en dire un mot, donc la future frégate de la classe Aquitaine, à la suite de la Deuxième Guerre mondiale, des escorteurs, l'escorteur Lorrain et l'escorteur Le Lorrain. Quand on met le devant, ça signifie à la fois qu'on reprend le nom, ça signifie donc qu'on utilise le nom, mais ça signifie aussi généralement qu'on le reprend par rapport à un navire antérieur qui a porté le nom. Donc vous voyez, ça peut être Lorrain le premier, et le second peut s'appeler le Lorrain pour rappeler qu'il y en a déjà eu un, en même temps qu'il peut parler de nous qui sommes des Lorrains. Et puis il y a eu, pendant la Deuxième Guerre mondiale, et donc on a vu tout à l'heure donc, la Croix de Lorraine, donc une corvette qui ultérieurement s'est appelée frégate, Croix de Lorraine, et j'en dirai aussi bien sûr un mot. Je ne vais pas vous parler de tous les navires de guerre parce qu'il y en aurait trop. Donc vous voyez que la Lorraine est bien représentée. Donc j'ai choisi les exemples qui m'ont semblé les plus représentatifs. Et puis j'ai quand même laissé de côté un certain nombre de choses, sauf si on voulait faire une conférence d'une heure. Donc le navire de ligne Lorraine est un navire... Donc je vous montre quelques photos, parce que parler de navire de guerre sans montrer de photographie, c'est quand même peu intéressant à mon avis. Donc voilà le navire de ligne au cuirassé Lorraine. C'est un navire qui datait de la Première Guerre mondiale, qui a été très profondément refondu entre les deux et qui a participé au débarquement de Provence le 15 août 1944 et qui ensuite a participé à la libération de Toulon. Et par conséquent, c'est un navire important sur le plan de l'histoire. Et je vous dirai tout à l'heure que je ne suis pas d'accord avec l'ordre qui est donné pour les frégates actuelles. Mais ça, c'est un avis personnel et je ne suis rien à l'état-major de la marine. Après la Deuxième Guerre mondiale, donc, nous avons récupéré un certain nombre de bâtiments allemands, soit parce qu'ils étaient dans les ports de l'Atlantique, soit parce que l'Allemagne a été amenée à nous les rétrocéder. Et donc, vous voyez un escorteur qui a porté le nom de Lorrain tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale. C'est sans doute une utilisation pour les provinces qui avaient été réannexées. Il faut penser à ça, en dehors du fait que la Lorraine est une des provinces qui, traditionnellement, donne beaucoup de personnel à la Marine nationale, et ceci avec, bien sûr, la Bretagne et la Provence. Et je vous dirais dirai encore quelque chose là-dessus dans quelques instants. Voilà donc cette frégate Croix de Lorraine. Alors cette frégate Croix de Lorraine, c'est une frégate d'origine britannique. Les Britanniques ont donné pendant la guerre au général de Gaulle un certain nombre de bâtiments qui ont porté des noms divers, et il y a donc eu cette frégate qui a survécu à la Seconde Guerre mondiale, puisque vous voyez qu'elle porte un numéro OTAN. Donc l'OTAN, c'est après 1949. Alors donc il va y avoir dans les années qui viennent une frégate multimission de la classe Aquitaine qui va s'appeler Lorraine. Je pense personnellement que les trois premiers noms n'auraient pas dû être Aquitaine, etc., Languedoc et compagnie, qu'ils auraient dû rappeler les trois bâtiments de la classe Lorraine que nous avons eus entre les deux guerres, à savoir Bretagne, Provence et Lorraine. Le bâtiment le plus prestigieux était le bâtiment Lorraine. Or, il se trouve que Lorraine va être le dernier de la série, de cette série Aquitaine, une très très très très belle frégate. Il va être le dernier de la série après l'Alsace, dont les travaux de construction ont commencé au mois de juin. Donc on peut espérer qu'on aura une frégate Lorraine, frégate multimission, dans les 10 années qui viennent, ou un peu moins. Les personnages illustres. Alors ces personnages illustres, ce sont des grands personnages, et aujourd'hui dans cette maison, la vérité historique m'oblige à vous dire qu'il y a eu de nombreux navires qui se sont appelés Jeanne d'Arc. 6 bâtiments depuis 1830, c'est énorme, c'est énorme. Je vais vous en montrer quelques-uns. Il y a eu aussi Jules Ferry dans une série de grands navires au début du XXe siècle qui exaltait les hommes politiques. Il y a eu aussi, vous voyez, des mathématiciens, en particulier Henri Poincaré pour Nancy et Poncelet pour Metz, dans toute une série qui précède la Deuxième Guerre mondiale. Et puis il y a eu aussi le sous-marin Cugnot, qui donc rappelle le souvenir du fardier de Cugnot à voie de Vacon. Alors, quelques images. Je n'ai choisi que les plus récents. Vous voyez, le croiseur Jeanne d'Arc, troisième du nom, ça date de 1899. C'est la photo qui est dans les résumés. Peut-être juste faire un test pour voir, ça passe pas très oui, bien. Oui, Laurent, si vous voulez, oui. Oui, effectivement. Moi, je vous en prie. On va voir si ça passe mieux sur l'autre support. Oh, c'est terrible. C'est la même réaction quand on fait ça dans une classe de 5e. Mais vous savez, en 3e année de pharma, puisque j'étais professeur de pharmacie, en 3e année de pharma, c'est pareil. Hein. Et même en 6e. Je vous demande une seconde de patience. Je pense qu'on va peut-être réussir à vous donner des photos un peu meilleures, parce que là, elles passent. Pas oui, c'est un peu sombre. Ça passait mieux tout à l'heure. Oui, j'ai peut-être un petit peu menti en vous disant une seconde. Non, mais ça fait rien. Ça. Ça a l'air de mieux partir. Hein? Oui, c'est mieux. Oui, c'est mieux. Merci beaucoup, Vianney. Voilà, donc, entre 1830 et 1899, déjà trois bâtiments assez importants, et donc en 1890, deux bâtiments assez importants, pardon, et en 1899, donc le croiseur Jeanne d'Arc, troisième du nom, dans une série de grands navires de l'époque. Vous voyez ce qu'on a appelé les six cheminées, puisqu'il y avait donc ça se croisait comme ça. Mais les deux navires les plus mythiques du nom de Jeanne d'Arc sont premièrement le croiseur qui a été conçu, donc un bâtiment important, à peu près 10 000 tonnes, le croiseur conçu en 1930 comme navire école des enseignes de vaisseaux qui sortent de l'école navale. C'est un navire qui a eu une longue vie, qui a traversé glorieusement la Seconde Guerre mondiale, qui a été remplacé en 1964 par en 1964 par ce porte-hélicoptère qui était lui-même destiné à ne faire que la croisière école des enseignes de vaisseaux. Ce porte-hélicoptère dont je vous montre donc une première puis une deuxième photographie. Ce porte-hélicoptère accueillait donc tous les élèves de l'école navale plus les médecins plus les ingénieurs de l'armement. Il faisait une très longue croisière tous les ans et cette croisière faisait quasiment le tour du monde et on montrait le pavillon sur tous les pays du monde. Donc vous voyez aussi l'importance de ce nom au travers donc de la planète. Voici une autre photo de la Jeanne, escortée par, vous voyez, à bâbord, à sa gauche, donc un sous-marin nucléaire d'attaque. Aujourd'hui, la France n'a plus les moyens d'entretenir un navire spécialement destiné à la croisière des enseignes de vaisseaux. Et puis peut-être que la situation géopolitique de notre planète a conduit à mettre les enseignes de vaisseaux sur un navire de guerre qui part pour une mission différente et donc qui n'est pas seulement un navire école, qui est un vrai navire de guerre et d'une classe différente. Mais aujourd'hui encore, la croisière des enseignes de vaisseaux sortant de naval s'appelle la mission Jeanne d'Arc. Donc ça veut dire que c'est d'une certaine façon, un septième nom qui est attribué. Voilà. Alors nous avons eu aussi dans les grands personnages le croiseur Jules Ferry, qui date à peu près de la même époque que le croiseur Jeanne d'Arc, comme vous voyez. C'est la photo c'est une photo autre qui illustre les résumés. Donc c'est aussi quelque chose qui, politiquement, à l'époque de la Troisième République, a une signification parce qu'il y a eu d'autres gens du type Edgar Quinet et compagnie qui faisaient partie de la même série qui n'a jamais été renouvelée. Et puis nous avons eu donc plusieurs navires qui ont porté le nom de Henri Poincaré. Le dernier en date, il y a une dizaine d'années, est un bâtiment qui n'est pas un navire de guerre avec des canons, mais qui est un navire de guerre très important par les radomes que vous voyez devant la passerelle. Ce sont des radomes qui sont destinés à suivre à quelques kilomètres près la trajectoire des missiles quand on voit les sous-marins nucléaires lance-engins. Donc sur le plan géostratégique, on peut dire pour notre pays, c'est quelque chose de très important. Les marins illustres. Alors je vous ai mis l'origine de ces marins illustres. L'amiral de Rigny, qui a donné son nom à un collège à Toul et qui était d'ailleurs né à Toul, n'a pas bénéficié d'un très gros bâtiment pendant la guerre de 14. Par contre, l'amiral Guéprat, dont la famille existe encore et est originaire d'Ancy sur Moselle, Guéprat a donné lieu à plusieurs navires de guerre, dont un qui existe encore actuellement. Il y a eu toute une série d'avisos, c'est-à-dire de relativement petits bâtiments. À l'origine, les avisos sont des bâtiments qui portent les lettres, les avis, outre-mer, quand il n'y a ni la TSF ni la poste aérienne. Et donc il y a eu récemment une série d'avisos spécialement consacrés aux grands marins de la Seconde Guerre mondiale. Donc vous voyez, encore avec une vision commémorative, mémorielle, et en particulier il y a eu le commandant de la vallée de Raraicourt de Pimaudan. C'est une famille originaire de Raraicourt à côté de Verdun qui a donné des gens importants aussi dans le Toulois, et il existe à Toul l'hôtel de Pimaudan encore actuellement. Et puis à Nancy, l'ingénieur Émile Bertin, qui était né rue Gambetta, où se trouve une plaque assez en hauteur, a donné son nom à un croiseur magnifique, dit-on. Il y a eu, vous voyez, un premier aviso au commandant de Pimaudan, juste après la Seconde Guerre mondiale. Henri de la Vallée de Raraicourt de Pimaudan était lieutenant de vaisseau. Il a été déporté, il n'en est pas revenu, et donc ceci explique ce nom. Il y a eu donc beaucoup plus récemment ce second aviso au commandant de Pimaudan qui a été désarmé il y a peu de temps. C'était des bâtiments qui faisaient environ 1500 tonnes. Voilà. Ensuite, le croiseur Émile Bertin a laissé dans la mémoire de la Marine nationale un souvenir incroyable, parce que c'était un bâtiment absolument magnifique à tout point de vue et qui a servi aussi pendant très très longtemps. Les villes. Les villes sont aussi très souvent honorées. Et en particulier, il y a eu une grande série d'avisos au moment de la Première Guerre mondiale qui a servi jusque dans les années 1950, qui couvrait pour les villes de France le long du front de la guerre de 14-18. Donc on commençait à Belfort et on allait vers le nord, vers Lille. Il y a eu toute une série de bâtiments qui ont porté, vous voyez, des noms de petites et de grandes villes. Je vous en ai mis quelques-unes, Bar-le-Duc, Épinal, Remiremont, Toul, mais aussi des noms de batailles, Verdun pouvant être les deux, bien sûr, les Éparges, Vaucouas, Verdun. Et puis, après 1918, et vous voyez encore une utilisation à caractère politique, à caractère historique, on a récupéré sur l'Empire allemand un certain nombre de navires de guerre qui ont porté les noms des grands navires de guerre, qui ont porté quatre grands noms, Thionville, Metz, Strasbourg et Colmar. Et donc, nous avons eu pour la Lorraine deux de ces bâtiments. Voici donc une photo d'un aviso de la classe des villes. Ils étaient à peu près tous pareils, j'en ai choisi un quelconque, ça n'a pas beaucoup d'importance. Voici l'aviso Thionville, le croiseur Thionville, qui était un ancien bâtiment autrichien, puisque, comme vous savez, l'Autriche-Hongrie avait une ouverture sur la mer Adriatique à l'époque de la guerre de 14, ouverture qu'ils ont perdue ensuite. Voilà. Et puis, beaucoup plus récemment, il y a eu une série de dragueurs offerts par les États-Unis qui ont porté des noms de batailles de la Seconde Guerre mondiale. Et nous avons eu pour la Lorraine, sur 16 dragueurs de mines, deux noms, qui sont des navires de l'épopée de la 2e division blindée du général de guerre, du général Leclerc, donc le dragueur Dompère et le dragueur Baccarat. Voilà. Les cours d'eau. Les cours d'eau sont très souvent utilisés, presque toujours, pas toujours, mais vous allez voir, il y a des exceptions, presque toujours pour des navires logistiques, c'est-à-dire des navires de transport de matériel, des navires qui accueillent éventuellement du personnel, et surtout pour les pétroliers, ce qui ne vous étonnera pas, bien que le pétrole n'ait rien à voir avec l'eau, mais enfin. Donc, des bâtiments que l'on appelle de soutien logistique. Alors, l'exception, c'est qu'il y a eu, après la Seconde Guerre mondiale, des avisos et des dragueurs qui se sont appelés Meuse. Il y a eu très récemment un grand pétrolier ravitailleur d'escadre qui s'est appelé Meuse, un bâtiment de transport qui s'est appelé Meurthe, et puis un bâtiment base qui s'est appelé Moselle. Un bâtiment base, c'est un hôtel flottant quand on n'a pas la possibilité de loger les équipages à terre. Alors voilà, donc cette exception. Il y a eu une série hétéroclite de navires récupérés sur l'Allemagne en 1945 avec des noms qui étaient des noms de personnages, des noms de batailles, des noms de fleuves. C'était bizarre. C'est un navire qui a servi très longtemps, en particulier à l'école navale. Mais surtout, aujourd'hui, le pétrolier ravitailleur d'escadre. Donc c'est un pétrolier, vous voyez les deux grands ponts, les deux grands mâts de charge qui sont derrière, entre la cheminée et la passerelle. Et ils sont destinés à envoyer des tuyaux à gauche et à droite sur les bateaux, si bien qu'on peut ravitailler un navire à gauche, un navire à droite, éventuellement un navire qui suit par derrière en laissant filer un tuyau depuis le dessous de la plateforme d'hélicoptère. Donc ce sont des bâtiments. Le Charles de Gaulle vient de partir de nouveau en Méditerranée et il est parti avec deux frégates, un sous-marin nucléaire d'attaque et un pétrolier ravitailleur d'escadre. La photo est parue hier sur les sites. Moselle a donc été utilisée à l'époque du général de Gaulle, quand on a fait nos essais nucléaires dans le Pacifique, au centre d'expérimentation du Pacifique, où il y avait 4 ou 5 bâtiments de ce type, qui étaient des anciens paquebots qui traversaient la Méditerranée avant l'indépendance de l'Algérie et des protectorats d'Afrique du Nord, et qui servaient donc d'hôtels flottants pour les ingénieurs et les techniciens. Vous avez vu tout à l'heure sur l'affiche de cette journée le pavillon des forces navales françaises libres, qui est donc le pavillon à la Croix de Lorraine. Ce n'est pas, contrairement à ce qui se raconte souvent, le général de Gaulle qui a choisi ce pavillon. C'est l'amiral Muselier, premier commandant des forces navales françaises libres, qui a choisi ce pavillon. Ce pavillon a été arboré pendant la guerre par tous les navires qui appartenaient aux forces navales françaises libres. Et aujourd'hui encore, la tradition fait que les navires qui portent le nom, par exemple la frégate Aconite, utilisent encore ce pavillon, puisqu'ils ont hérité du nom d'un bâtiment de cette époque. Alors je conclue. Eh bien, vous voyez des noms assez nombreux et assez variés. Notre province est, je pense, pour moi qui connais assez correctement la question, notre province est très correctement représentée. Très, très correctement représentée. C'est vrai que la Croix de Lorraine a une signification particulière. Jeanne d'Arc aussi, et seule nous pouvons nous la revendiquer, si j'ose dire. Donc le nom de Jeanne d'Arc, bien sûr, est symbolique. Et vous avez vu un petit peu ce qu'il en est. le nom de Jules Ferry, mais il n'a été utilisé qu'une seule fois. Ceci étant, Jules Ferry reste aussi, après 1870, un personnage important. Et puis, donc, nous aurons dans l'avenir, dans les années qui viennent, donc le ministre a annoncé son nom il y a 3-4 jours à l'occasion du lancement de la frégate Bretagne. Donc on peut penser que ça va se faire, mais on n'est jamais à l'abri de restrictions budgétaires. Et comme déjà la série qui devait représenter 14 frégates est déjà réduite à 8, vous voyez que malheureusement ça peut continuer. Donc il faut espérer que le nom de notre belle province, mais vous avez vu qu'il est associé à l'Alsace, hein, c'est certainement pas innocent. Donc que le nom de notre belle province va réapparaître prochainement sur donc la coque d'un de nos navires. Je vous remercie de votre attention.